confrontation. Il sent stupid little town. A black killer. Salut à tous et toutes, la tribu, bienvenue dans la 114e Bumper Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Et oui, c'est Bumper Freak, c'est la 114e et c'est Spike. Merci pour tous vos messages et dédicaces que vous m'avez laissés la semaine dernière. Cette semaine au programme de la nouveauté, du son culte, enfin du très bon, très très bon. On commencera tout de suite avec Thunderbolt, le nouveau Saxon. C'est aussi le titre de leur 22e album sorti le 2 février 2018. On retrouve The Apple Rock, dédié à Lemmy Kilmister, Sons of Odin et Thunderbolt. On continuera ensuite avec Sorry Baby, le nouveau Diva. C'est sur l'EP de White One, The EP 7 titres. On retrouve Punk is Dead, Be Who You Choose et Murder End, entre autres. Allez sur la page Facebook de Diva, ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. On continuera ensuite avec Lift Me Up de Five Finger Death Punch. C'est sur l'album The Wrong Side of Heaven and The Right Side of Hell Volume 1. C'est la première partie de leur quatrième album sorti le 30 juillet 2013. On retrouve Watch Your Bleed, Dot Your Rise, Diary of a Dead Man, composé de 29 nits dont les 15 derniers sont en live. On continuera ensuite avec Vampire de Bloodfist. C'est pour mon copain Flo de Belfort, d'ailleurs c'est lui qui m'a fait passer le son. C'est sur l'album Kill for Pleasure, sorti le 13 février 1987. On retrouve Menacing Thunder, Cannibal et Venomous Death. Merci à Florent de me faire partager ses archives du rock. Et c'est vraiment et en plus il a que 20 ans. Merci gars et bon courage avec Heart of Days. Mais ça, Heart of Days, on en reparlera. On finira ce bloc en live avec Different Colors One People en live de Lucky Dube. C'est sur l'album Victim, sorti en 1993. On retrouve Lover and in a Dangerous Time, Keep on Knocking et Little Heroes, un classique du reggae sud-africain. I'm something wrong to you, baby. Where I feel so bad. Now guilt is overwhelming. You're staring me apart inside, yeah. When I'm really sorry, baby, now, 'cause look what I've done, yeah. Well, I've been careless, I've been a fool for a brand new day. All I can do is think how bitch I am, and how I beat you down, down, down. Well, I'm really sorry, baby, now, 'cause you're crying down. We'll be right back. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Yeah. Vous êtes toujours dans la 114e Vampire Freaks, si c'est Spike qui débarque dans votre salon. On continuera, on vient d'écouter Thunderbolt, le nouveau Saxon, Sorry Baby, le nouveau Diva, Lift Me Up de Five Finger Death Punch, Vampire de Blood Fist, et on a fini ce bloc en live avec Different Colors One People de Lucky Dub. On continuera cette émission avec Beta Amphetamine Pretty Pretty de Butch Walker. C'est sur l'album The Rise and Fall of Butch Walker and the Let's Go Out Tonight. Bon appétit. C'est sorti le 11 juillet 2006. On retrouve Hot Girls in Good Mood, Too Famous to Get Fully Dressed et Rich People Die Unhappy. Dans le clip de celle-là, la Beta Amphetamine, on peut noter l'apparition de Avril Lavigne. On continue ensuite avec Die Baby Die, le nouveau Cadavar. C'est sur l'album Rough Time, sorti le 29 septembre 2017. On retrouve Skeleton Blues, Into the Wormhole et The Lost Child. Allez sur la page Facebook de Cadavar, on les retrouve sur YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes légales. On continue avec Open Your Eyes de Lanslow, c'est aussi le titre de cet album, sorti le 14 février 2015. On retrouve Knock Them Out, In Your Veins et Skinhead. Peu connus chez nous, ils sont québécois. Et c'est une tuerie. On continuera avec Trump en vinyle de Otis Redding et Carla Thomas. C'est sur l'album King and Queen, sorti le 16 mars 1967. On retrouve Knock on Wood, It Takes Two et Are You Lonely For Me, du son culte. Et on finira ce bloc en live avec One Man Against the World de Gregory Isaacs. C'est sur l'album Cool Ruler, sorti le 15 juin 1978. On retrouve Native Woman, Party in the Slum et Don't Pity Me, notamment du son culte. Yeah. again, I'm tired of the lies. When the world is dying inside, we're living the human decline. Why don't you look around to see the world is going down? What are you waiting for? Open up your eyes and see that nothing is fine. There's no more hope around when the world is falling down. What are you waiting for? Open up your eyes and see that nothing is fine. There's no more. Again, I'm tired of the lies. But the world is dying inside. We're living the human decline. Why don't you look around to see the world is going down? What are you waiting for? Open up your eyes and see that nothing is fine. There's no more hope around when the world is falling down. What are you waiting for? Open up your eyes and see that nothing is fine. There's no more. When the world is falling down, what are you waiting for? Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Thank you. Love you, Valentine. Oh yeah! Yes, I, t'inquiète, Grégory, ça gère. Vous êtes toujours dans la 114e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Bétamphétamine, Pretty Pretty de Butch Walker, Die Baby Die, le nouveau Kaidabar, Open Your Eyes de Launcelot. On a fait un bon petit vinyle avec Trump de Otis Redding et Carla Thomas. Et on a fini ce bloc en live avec One Man Against the World de Grégory Isaac. On continuera cette émission avec Face Reality de Genetic Error. C'est sur l'album Toxic Planet sorti en 2015. Donc on retrouve Brainwashed by Government, AIDS and No Future, groupe méconnu en France et dissous aujourd'hui. On continuera ensuite avec une nouveauté, After Midnight de nouveau Bronx. C'est aussi le titre de l'album, leur premier album qui est sorti le 30 septembre 2015. Bon, il n'est pas nouveau, mais c'est que c'est nouveau de chez nous. Donc dessus, sur cet album Bronx, on retrouve Breaking Condom, Time Bomb et Beyond. Allez sur la page Facebook de Bronx, ils sont aussi sur Bandcamp, YouTube et ils préparent un nouvel album. On continuera avec Pretty Africa de Desmond Dekker, c'est sur l'album Action sorti en 1968. On retrouve Mother Pepper, It Pays, Sabotage qui a été repris par Tikenja, donc du son culte. On continue ensuite avec Gonna Get You de Bad Mother Feather. C'est le single d'un album en cours. Des nouvelles très vite. Ils sont sur Facebook et Bandcamp. Et on finira ce bloc en live avec Hot To Be Rocked de Lee Aaron. C'est sur l'album Call of the Wild sorti le 27 juin 88. On retrouve Rock Me All Over, Line of Fire et Paradise, un classique de chez Classic. We'll be right back. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. See you. Qu'est-ce que c'est bon, Sally Aaron en live. Vous êtes toujours dans la 514e Vampire Flix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Face Reality de Genetic Error, After Midnight, le nouveau Bronx, Pretty Africa de Desmond Dekker, ah ouais, ça a envoyé du lourd, Gonna Get You de le nouveau Badass Motherfather et Hot To Be Rocked en live de Lee Aaron. On continuera cette émission avec, ouais, ça c'est que des nouveautés, il y a un grand classique. Darknet White, le nouveau Hypnotic Drive, c'est sur l'album Full Throttle, sorti le 14 juin 2017. On retrouve Five Regrets, Crossroad et Thunderstorm. Allez sur la page Facebook de Hypnotic Drive, ils sont sur Bandcamp, ils sont même sur les plateformes légales. Ensuite, on aura une nouveauté, Misanthropie, c'est même une exclusivité de Atela Nem, c'est sur l'album Anthropophage qui sortira au mois de mars ou avril. Des nouvelles très vite, allez sur la page Facebook de Atela Nem, il vous renseignera pour vous aurez tous les renseignements nécessaires pour l'album. On continuera ensuite avec Shame, le nouveau Mad Monkey, c'est sur un EP éponyme 6 titres, Back for Good, Shame, You Can Carry the World, Sensation et Perception. Allez, page Facebook de Mad Monkey, ils sont sur Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes légales. On continuera avec une autre nouveauté, Phasing Dub, de nouveau George Dub, de l'album Some Dub Tracks, sorti le 18 novembre 2017. On retrouve Mystical Dub, Rolling Dub, et Highway to Dub. Allez, page Facebook de Bandcamp, il est aussi sur les plateformes légales. Et on finira ce bloc en live avec Stupidity de Dr. Feelgood. C'est aussi le titre de leur premier album live sorti en septembre 1976. On retrouve Talking About You, Walking the Dog et Back in the Night, du son classique, voire culte.

everybody. All around the world, every boy and girl, come along with me. Yeah, yeah, that's the stupidity. Mama said I look so silly, Papa said I look a fool. I don't mind the criticisms, get them every day in school. Come along with me, watch them on TV, see how much fun it can be. Yeah, yeah, that's the stupidity. Mama said I look so silly, Papa said I look a fool. I don't mind the criticisms, get them every day in school. Come along with me, see how much fun it can be. Watch them on TV. Yeah, yeah, that's the stupidity. Ils étaient barrés, ces Dr. Feelgood. Vous êtes toujours dans la 114e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de ses côtés Dark and White, le nouveau Hypnotic Drive, Misanthrope, le nouveau Atelanem, Shame, le nouveau Mad Monkey, Phasing Dub, le nouveau George Dub, et on a fini ce bloc en live avec Stupidity de Dr. Feelgood. On continuera avec Spicer de Fantastician Veer, excusez-moi. C'est sur l'album Jet Gets Up, sorti le 27 août 1991. On retrouve Wu Get Lang, Microprofessor et Auf Dir Flucht. On les connaît pas bien, mais on les retrouve partout. Ils sont sur Bandcamp, YouTube, ils sont sur Facebook. Allez découvrir un peu les Massive Sound System allemands. On continuera avec une nouveauté, Sifflé sur la colline de La Rurale. C'est un single qui est sorti. On le retrouve sur Facebook. L'album va sortir, à suivre. On continuera avec One Life to Live de Phyllis Dillon. C'est sur l'album Phyllis Dillon Selected Hit, sorti le 12 juin 2006. On retrouve You're Like Even to Me, We Belong Together et Get Out the Light, la papesse du reggae, une des rares chanteuses de reggae. On continuera avec Tête brûlée de Jeunesse apatride. C'est sur l'album Jusqu'au bout. On retrouve Silence de mort, Dure réalité et Le temps passe. Ils font plus rien, mais tous leurs albums sont en téléchargement gratuit sur Bandcamp. Et on les retrouve aussi sur Deezer et toutes les plateformes légales. Et on finira ce bloc en live avec Elan and Kicking de Mr. Big. Oui, c'est une petite pensée pour leur guitariste décédé. On c'est sur l'album Learn Into It, sorti le 26 mars 1991. On regarde Green Tinted 60s Mine, Never Say Never et To Be With You, du son culte. Sag mal, hast du denn? kein Problem, denn jetzt geh ich wieder. No matter what he is, he touches me and makes me his. Oh yeah. don't know what changes time may bring, but right now, today's the important thing. Together, come what may, we welcome each new day with love to be your guiding light to make it through. Tomorrow, I only have one life to live, and I'm gonna live it. I only have one love to give, and I'm gonna give it. No matter what he is, he touches me and makes me his. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon. The question is, are you ready for Mr. Big? Ladies and gentlemen, Mr. Big! Yeah. All right. Put the right hand and the left hand together. Make some noise, you baby. Kick it up, Billy Boy. Ah, vous l'aviez pas vu venir, le double live. On vient de s'écouter Spicer en live de Die Fast Assis Genevieve, Siffler sur la colline, le nouveau La Rurale, One Life to Live de Phyllis Dillon. On écoute ensuite Tête brûlée de Jeunesse à Petrie et on a fini ce bloc en live avec Alive and Kicking de Mr. Big, c'est autre chose. Cette 114e Vampire Tricks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. J'ai eu pas mal de problèmes techniques aujourd'hui, ça s'est pas entendu, mais ça a été chaud. On finira cette émission avec Sunset Lover, le nouveau Petit Biscuit. C'est sur l'album Présence, sorti le 10 novembre 2017. On retrouve Problems, Follow Me et Wake Up. Il a eu une victoire de la musique, hein, tout juste bachelier. Et pour moi, qui suis fan de tout ce qui est musique à tout seul, en musique par ordinateur, tout ça, moi je trouve que c'est un bon exemple. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu!